Don Quirote de la Mancha, je te fais ici chevalier. Votre seigneurie. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne l'ai pas bien fait. Si votre seigneurie pouvait mentionner les actions d'éclat que j'ai accomplies afin de mériter cet honneur. Ah bon? Oui. Don Quirote de la Mancha, ayant cette nuit prouvé ta valeur en un terrible et glorieux combat, en vertu de mes pouvoirs, moi, maître de ce château, je te fais ici chevalier. Votre seigneurie. Quoi d'autre? Il est également d'usage de parer le nouveau chevalier d'un surnom. Si votre seigneurie pouvait m'accorder ce surnom. Gloria, toute la terre connaît déjà ta triste mine, ta triste armure. Mais le monde entier t'appellera le triste chevalier à la triste figure. Gloria, va chevalier, va, va ton chevalier, va ton chevalier à plein bras. Mais je sais que la nuit, couché dessous mon foie, je me souviendrai de tout ça. Gloria, les géants tremblent déjà, va t'en réduire en confiture. Tous les moulins à bras de la Mancha, par ta triste mine, par ta triste amure. Gloria, va chevalier, va, oui, va t'en pourfendre, va t'en défendre qui tu veux. Mais je ne serai plus là à sacrer les gâteux, mais je ne serai plus là pour voir ça. Gloria, toute la terre connaît déjà ta triste mine, ta triste amure. Mais le monde entier t'appellera le triste chevalier à la triste figure.